Après la dernière récréation de la journée, ou, comme nous disions, après le dernier quart d'heure, M. Sorel, qui depuis un instant marchait de long en large pensivement, s'arrêta, frappa un grand coup de règle sur la table pour faire cesser le bourdonnement confus des fins de classe où l'on s'ennuie, et dans le silence attentif demanda « Qui est-ce qui ira demain en voiture à la gare avec François pour chercher M. et Mme Charpentier ?» C'étaient mes grands-parents. À la question de M. Sorel, une dizaine de voix répondirent, criant ensemble « Le grand monde ! Le grand monde !» Mais M. Sorel fit semblant de ne pas entendre. Alors ils crièrent « Fromentin !» D'autres « Jasmin Delouche !» Le plus jeune des rois, qui allait au champ, monté sur sa truie, lancé au triple galop, criait « Moi ! Moi !» d'une voix perçante. Du Tremblay et Moucheboeuf se contentaient de lever timidement la main. J'aurais voulu que ce fût Mone. Ce petit voyage en voiture à Anne serait devenu un événement plus important. Il le désirait aussi, mais il affectait de se taire dédaigneusement. Tous les grands élèves s'étaient assis comme lui sur la table, à revers, les pieds sur le banc, ainsi que nous faisions dans les moments de grand répit et de réjouissance. Coffin, sa blouse relevée et roulée autour de la ceinture, embrassait la colonne de fer qui soutenait la poutre de la classe et commençait de grimper en signe d'allégresse. Mais M. Sorel refroidit tout le monde en disant « Allons, ce sera Moucheboeuf !» Et chacun regagna sa place en silence.